Exode chapitre 19. Au premier jour du troisième mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour-là ils vinrent au désert de Sinaï étant donc partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï, et campèrent au désert, et Israël campa vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, car l'Éternel l'avait appelé de la montagne, pour lui dire, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle, et vous ai amenés à moi, maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples. Mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne, et vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. » Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Puis Moïse vint, et appela les anciens du peuple, et proposa devant eux toutes ces choses-là que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple répondit d'un commun accord, en disant, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta à l'Éternel toutes les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'il te croie aussi toujours. » Car Moïse avait rapporté à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit aussi à Moïse, « Va-t'en vers le peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient tout prêts pour le troisième jour, car au troisième jour l'Éternel descendra sur la montagne de Sinaï, à la vue de tout le peuple. Or tu mettras des bornes pour le peuple tout alentour, et tu diras, « Donnez-vous garde de monter sur la montagne, et de toucher aucune de ses extrémités. Quiconque touchera la montagne, sera puni de mort. Aucune main ne la touchera, et certainement il sera lapidé, ou percé de flèches, soit bête, soit homme, il ne vivra point. Quand le cor sonnera en long, ils monteront vers la montagne. » Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez tout prêts pour le troisième jour, et ne vous approchez point de vos femmes. » Et le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de cor, dont tout le peuple dans le camp fut effrayé. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp, pour aller au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont de Sinaï était tout couvert de fumée, parce que l'Éternel y était descendu en feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son du cor se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. L'Éternel donc étant descendu sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne, appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et l'Éternel dit à Moïse, « Descends, somme le peuple qu'ils ne rompent point les barrières pour monter vers l'Éternel, afin de regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et même que les sacrificateurs, s'approchant de l'Éternel, se sanctifient, de peur qu'il n'arrive que l'Éternel se jette sur eux. » Et Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, parce que tu nous as sommés, en me disant, « Mets des bornes en la montagne, et la sanctifie. » Et l'Éternel lui dit, « Va, descends, puis tu monteras, toi, et Aaron avec toi, mais que les sacrificateurs et le peuple, ne rompent point les bornes pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il n'arrive qu'il se jette sur eux. » Moïse descendit donc vers le peuple, et le leur dit.